Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Nous continuons à étudier l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 5 et aujourd'hui, nous allons partir du verset 39. Notre bon Père du ciel, conduis-nous dans les versets que nous allons méditer aujourd'hui. Parce que comprendre qui est la personne de Jésus et son œuvre, c'est une question de salut. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Donc, c'est tellement important que nous comprenons bien qui est Jésus. Beaucoup se proclament croire en Jésus. Mais le Jésus dont il parle n'est pas le Jésus de la Bible. Donc, aide-nous à bien saisir les vérités que tu nous présentes. Amen. Jean a toujours la même idée quand il nous parle. Ça fait presque 5 chapitres maintenant qu'il nous dit des choses afin que nous croyions qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie. Donc, c'est ce qu'il veut. C'est toujours la même direction. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc, Jésus, dans l'Évangile de Jean, nous parle de lui. Il nous parle pas de ce que nous devons faire ou pas faire. On peut-tu manger, pas manger? On peut-tu aller là? On peut-tu regarder ça? On peut-tu faire ceci? On peut-tu parler de même? On peut-tu se marier? On peut-tu pas se marier? Jésus n'est pas en train de parler de ça dans l'Évangile de Jean. Il est en train de me parler de lui afin que je comprenne qui il est. Et il a dit depuis le début du chapitre 5, « Je suis égal à mon Père. Je suis comme mon Père. Je fais les mêmes choses que mon Père. Je vous parle des mêmes vérités que mon Père. Tout ce que je vois faire de mon Père, je le fais. Tout ce que j'entends de mon Père, je le répète. Tout jugement que le Père prononce, je prononce le même jugement. » Et on a vu hier qu'il a reçu un témoignage de la part de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité qu'il avait entendue de Dieu. Dieu lui avait dit, « Celui sur lequel tu verras descendre l'Esprit de Dieu, c'est lui que j'ai envoyé. » Donc, il a rendu témoignage à la vérité. Mais Jésus a dit hier, « J'ai un témoignage beaucoup plus grand que cela. Le Père lui-même a rendu témoignage de moi, par les œuvres qu'il m'a confié de faire. Il m'a confié de faire des œuvres que seulement Dieu peut faire. Seulement un Dieu peut les faire, ces œuvres-là. Comme il m'a donné la vie à moi-même. J'ai le pouvoir de ressusciter les morts, spirituellement et physiquement. J'ai le rôle de faire l'œuvre de juger les gens. Donc, je juge, je ressuscite. J'ai une œuvre que j'ai faite, c'est que j'ai amené les gens à voir Dieu. Tous ceux qui ont entendu ma voix ont entendu la voix de Dieu. Et tous ceux qui ont vu, m'ont vu, ont vu Dieu. On ne parle pas de physiquement parce qu'on sait que Dieu n'a pas de corps, il est un esprit. Mais tu t'as vu Dieu spirituellement, tu l'as entendu. Comme s'il était devant toi. Il y a juste Dieu qui peut dire un affaire. Mais si Jésus serait un sale hypocrite et un blasphémateur, s'il n'était pas Dieu lui-même. Il y en a plusieurs qui disent qu'il est Dieu, mais qu'il n'est pas un Dieu trinitaire. Mais il aurait été bien, ça aurait été de nous induire en erreur que tout au long de son ministère, il nous parle de deux êtres, puis souvent de trois êtres, mais le plus souvent de deux. Mon Père et moi, mon Père et moi, mon Père et moi, le Père m'a envoyé, le Père. Ce serait très d'induire les gens en erreur. De dire qu'il y a un Père, puis que lui est le Fils, quand qu'il y a, dans le fond, il n'y en a pas deux, il n'y en a rien qu'un. Ce serait d'induire les gens en erreur. Donc, Jean nous présente un Dieu trinitaire. Et en ce jour, nous allons voir un autre témoignage pour Jésus. Jean a rendu témoignage, Dieu a rendu témoignage, Dieu le Père a rendu témoignage. Maintenant, on va voir au verset 39 qu'il reçoit un témoignage de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous les recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc il dit, les Écritures, quand il parle des Écritures, ici il parle de l'Ancien Testament, hein, les Écritures qui ont précédé Jésus, parce que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Donc il dit, parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures, vous lisez l'Ancien Testament, vous l'apprenez presque par cœur, parce que vous pensez avoir la vie éternelle en les étudiant, en les lisant. Mais ces Écritures-là, elles rendent témoignage de moi, elles vous parlent de moi, tout au long. Vous, vous cherchez, vous lisez les Écritures pour savoir quoi faire et ne pas faire pour gagner votre ciel, pour gagner les grâces de Dieu, pour que Dieu vous accepte. Mais les Écritures de l'Ancien Testament parlent de moi. Annonce ma venue. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourtant, si vous lisez bien et comprenez bien les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, ben elles parlent de moi, donc vous allez venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas la gloire des hommes. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. N'importe qui d'autre qui vient et qui vous parle en son propre nom, vous le recevez. Moi, je viens au nom du Père, je vous parle des paroles du Père, je vous dis ce que le Père dit, et vous ne me recevez pas. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux? Et c'est facile, verset 44. Vous ne pouvez pas croire, parce que vous tirez votre gloire les uns des autres. Vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. C'est pour ça que je l'avais cité, l'homme paralytique, qui a été dénoncé Jésus, c'est lui qui m'a dit de prendre mon lit et de marcher un jour de sabbat. C'est lui, Jésus. Il cherche l'approbation des hommes. Il cherche la gloire qui vient des hommes. Jésus dit, vous ne pouvez pas croire quand je vous parle. Pourquoi? Parce que vous cherchez la gloire qui vient des hommes. Vous voulez bien paraître au niveau des hommes. Vous flattez quand on vous dit que vous êtes des bonnes personnes et que vous êtes des gens gentils. Ça vous donne, ça vous enfle d'orgueil. Jésus dit, si vous cherchez la gloire qui vient de Dieu seul, vous allez recevoir le Fils. Même si les gens vous rejettent parce que vous voulez proclamer que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, vous allez l'accepter parce que vous recherchez la gloire qui vient de Dieu, vous recherchez l'approbation de Dieu plus que l'approbation des hommes. Vous vous vantez de connaître les Écritures. Vous dites que vous connaissez les Écritures, comprenez les Écritures, mais ce n'est pas vrai. Vous ne comprenez pas les Écritures et vous n'aimez pas Dieu. Vous ne cherchez pas l'approbation de Dieu, vous cherchez l'approbation des hommes ou la gloire des hommes. Ne pensez pas, au verset 45, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Ça ne veut pas dire là, que Moïse va être là auprès de Dieu, là, puis il va commencer à condamner une personne à la fois. Non, c'est pas dans ce sens-là, il faut le prendre. C'est Moïse, dans le sens les écrits de Moïse, qui vous condamnent. Parce que ce qu'il dit au verset 46, car si vous croiriez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Il a parlé de moi, il vous a annoncé mon arrivée. Vous vous souvenez que les premiers disciples, on a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse avait parlé. Ils savent que Jésus, c'est celui dont Moïse avait venu. Donc si Moïse a prévu la venue de Jésus, donc quand Jésus arrive, on le croit, on l'écoute. ce qu'il dit. Parce qu'on sait qu'il vient de Dieu. Donc, il dit, les écrits de Moïse vont vous condamner. Vous pensez, vous autres voulez les prendre pour avoir la vie. Mais ces mêmes écritures-là vont vous condamner parce que vous n'avez pas cru ce que Moïse a dit, parce que Moïse m'a annoncé ma venue et vous ne vous croyez pas quand j'arrive. Oh, tous ces hommes et ces femmes qui prennent la loi, qui prennent les 10 commandements, qui prennent les commandements de l'Église, qui prennent toutes sortes de lois humaines ou de règles humaines pour chercher l'approbation de Dieu. Dieu dit, vous n'avez pas compris. L'Ancien Testament, ou les écrits de Moïse, ou les Saintes Écritures, vous parlaient que moi je m'en venais. Ils annonçaient ma venue, Moïse et les prophètes. Maintenant, quand j'arrive, vous ne voulez pas croire en moi. Donc, vous rejetez l'enseignement de Moïse et des prophètes. Vous rejetez l'Ancien Testament qui était la parole de Dieu. Et ça vous condamne. Il dit, si vous croiriez à l'Ancien Testament, vous croiriez en mes paroles. Jésus a conté une histoire, à un autre moment donné, à son ministère, de Lazare et le mauvais riche. Le mauvais riche est dans le séjour des morts et il souffre. Et il demande à Abraham, qu'il voit dans une vision, envoie des gens parler, envoie Lazare parler à ma famille, afin qu'ils croient et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas en Moïse, même si j'enverrai quelqu'un de ressuscité d'entre les morts, ils ne croiront pas. C'est la même vérité ici. Si vous ne croyez pas en moi, c'est parce que vous n'avez pas cru en Moïse. Si vous auriez cru en Moïse, vous croiriez aussi en moi, parce qu'il m'a parlé de moi. Donc, trois grands témoignages à Jésus de sa divinité. Jean a rendu témoignage à la vérité. Il a dit, il est l'agneau de Dieu, il vient d'en haut, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui est descendu du ciel. Dieu a rendu témoignage en Jésus par les paroles qu'il lui a dites d'annoncer et par les œuvres qu'il lui a confiées d'accomplir. Les œuvres de la résurrection, les œuvres du jugement, les œuvres de donner la vie aux gens. Ces œuvres-là témoignent que Jésus est Dieu. Et Moïse aussi a parlé de moi et annoncer ma venue. Et vous n'avez pas cru en ce qu'il a dit. Et vous n'avez pas cru ce que moi je vous dis. Chers amis, tout ce chapitre 5 a déclaré, si vous croyez ce que je déclare à mon sujet, vous allez avoir la vie. Si vous ne croyez pas, vous allez avoir mon jugement et la mort. Toutes les religions de ce monde vous disent quoi faire, quoi ne pas faire pour avoir la vie éternelle quand vous allez mourir. Le christianisme est le seul mouvement qui dit, qui proclame ce que Jésus a fait pour qu'on ait la vie. Jésus n'est pas venu nous dire qu'est-ce que nous devions faire pour avoir la vie. Il est venu nous dire ce que lui a fait pour qu'on puisse avoir la vie. Il dit, je me suis incarné. J'ai vécu 30 ans comme fils de charpentier. Pendant 3 ans, je vous ai proclamé les paroles de Dieu. J'ai fait les œuvres de Dieu devant vous afin que vous compreniez que si vous croyez en moi, vous allez avoir la vie, maintenant et pour l'éternité. Tout ce qu'il demande, crois en moi et en celui qui m'a envoyé. Tous ceux qui essaient de gagner leur ciel par des œuvres quelconques sont condamnés. Ils font la même erreur que les pharisiens ici, qui ont pris la Bible, puis ont essayé de mettre ça en pratique pour avoir la vie éternelle. Et Jésus les condamne. Mais faisons attention, nous qui croyons en cela, nous qui croyons en Jésus et en celui qui a envoyé, ne rajoutons rien. Ne rajoutons rien. Ne faisons pas de notre vie chrétienne maintenant quelque chose de méritoire. Parce que j'entends tellement de croyants maintenant qui ajoutent des œuvres à ce que Christ a fait et déclaré pour que ça soit méritoire pour avoir quelque chose de plus que de la vie éternelle. Oui, François, j'ai la vie éternelle, mais je veux plus. Je veux une récompense, je veux une couronne, je veux ceci, je veux cela. Je veux être béni, je veux être guéri, je veux que Dieu réponde à mes prières. Je veux plus que la vie éternelle que Jésus-Christ m'a amené et qu'il donne par la foi, par la grâce à ceux qui ont cru. Faites attention, c'est dangereux, c'est une pente dangereuse de rajouter des œuvres pour avoir plus que la vie éternelle. Parce que tous les croyants de tous les temps qui croient en lui et en celui qui l'a envoyé ont tous également, de tous les temps et pour l'éternité, la même vie éternelle que Jésus-Christ donne. Quand vous commencez à vouloir rajouter, vous êtes en danger. Faites attention. Notre bon Père du ciel. Quel merveilleux chapitre. Quelle grande déclaration de la part de Jésus. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir ouvert notre intelligence et que maintenant nous comprenons que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils. Et on va voir un Dieu le Saint-Esprit. Merci. Merci de nous avoir révélé cela. Merci de nous avoir donné la grâce de croire en celui qui est venu et en celui qui l'a envoyé. Et merci de nous donner la vie. Amen.